1, HF, HF, comité 1, criminalité, policiers ripoux actualisés, gouvernement très bien organisé, Black ça pue le trafic, mais les affaires restent les affaires et le fric, et le fric, le fric. Au tribunal, on nous prend pour des analphabètes. Le verdict passe par des voies anales. Cherche pas Anna, lisez, c'est pas l'Anna. Tommy qui compte mes badges, nana. Promis, si tu passes à la barre, tu bites ton sang, Tommy. Cana, lise ta rage avant qu'on dise que t'as commis beaucoup d'élits et que tu cavales. En plus, j'ai omis qu'il faut que tu ravales lors d'un contrôle jugé banal. Jadis, mon dire un flic est anormal, pas anormal. Vu que nous cherchent pour justifier leur boulot et pour cela des balles. Tout leur attirail des mâles. On a beau dire que la vie est pas mal pour les mâles. Les femelles, ensemble, les hommes essayent pêle-mêle de calmer. Et de se caler dans un coin pépère et non sale afin qu'il s'installe décemment. Tu sais comment on nous traque, comment on nous claque, comment on nous braque, comment on nous blague. On peut voir d'ici nos soldats tomber, s'apercevoir que l'État nous piège. Mais les gosses du trottoir ne cesseront jamais mener. Nouvelle combinaison, le savoir plus la faculté, le devoir ne plus laisser aller. C'est au nom de la loi que je m'infiltre en tant que citoyen à part entière. C'est contre celle-ci que je me bats comme mon père hier aujourd'hui. Sortez-vous ce conflit, sortez-vous la haine et la peur de nos ennemis cousins. Ça fait un bail qu'on écrit. Dénonciation sans lendemain, on s'en bat les couilles, on décrit. C'est bien plus qu'un cri de guerre. H broyeur et fier à vie, ça m'accouche de tout part. De la caisse noire au braqueur de Brinks. Mais dites-moi qui dit deviendra tolard. Voilà ce qu'on appelle une enculerie administrative. En fait voilà ce qu'on appelle la France et tous ses principes. On le perçoit et on s'endurcit. On le côtoie mais on reste tous unis. Au nom de la loi, au nom de nos droits, au nom de notre foi, on se déploie. Bonne stratégie de mieux à droit. Analyse le code pénal et prends tes thunes pour l'avocat, le meilleur qui râle. Au nom de la loi, au nom de nos droits, au nom de notre foi, on se déploie. Bonne stratégie de mieux à droit. Analyse le code pénal et prends tes thunes pour l'avocat, le meilleur qui râle. Ceci est pour vous messieurs, magouille corruption, vendu organisé avec une grosse gestion. Les billets tournent, tournent mesdames, se contenteront d'abord de rentrer à l'assemblée. Apparemment dans le milieu tout le monde veut faire son blé. A chacun faire un bis, à chacun fou une intox se glisse. Tout le monde veut carla, tout le monde me regarder comment Jacques Chirac maîtrise. Plaque tournante à l'Elysée, ministre, député, maire, souliers. Mais dites-moi où sont passés les trois quarts du budget. Ok, nous on parle quand c'est doux. Pendant qu'ils essayent de contrer les Américains avec l'euro c'est fou. Là je te parle en milliards, là je te parle de la France, du chômage et tous les gosses du trottoir. Traitez-nous de jeunes dangereux, 94, 92, cachant Bagneux. Et alors, où sont passés les sous du 6 Gustave au 55 rue Faubourg. Marianne n'est qu'une tasse fait de plus, rien qu'une pute de luxe. Les statistiques du Figaro, les enchaînements du canard, de Paladur à Juppé, jusqu'à la mémoire de Mitterrand. Mais où sont passés les vrais militants? 2001 et rien ne change, à vrai dire notre intelligence tout pèse. C'est du COMIT, vas-y encaisse. Sans une mauvaise justice, on râle son flagrant délit. Le délai, nos vies en disent long. Sur l'éphémère, trop six sera comme à la Delon. Délivre notre âge, le filon de nos délits. Dès lors, de là, son son en story à embrouille, des laves. Le bien qu'il vient en chacun de nous, en délire, c'est délicat. Lorsque l'esprit déloge l'habitat de la matière grise, le bilan des liens des tiens miens. Trop de prennent pour un fou, c'est délire sous de populace sans sous. Tout est dit, on serre les coudes, mais une fois grandi, les vers se dessoudent. Là, on ne bloque, débloque et nos socles se fait. On ne boucle, claque, tac, lorsque les keufs back. L'interpelle, l'action, gars, action réelle, elle, elle. Au nom de la loi, au nom de nos droits, au nom de notre foi, on se déploie. Bonne stratégie de mieux à droit. Analyse le code pénal et prends tes thunes pour l'avocat, le meilleur qui râle. Au nom de la loi, au nom de nos droits, au nom de notre foi, on se déploie. Bonne stratégie de mieux à droit. Analyse le code pénal et prends tes thunes pour l'avocat, le meilleur qui râle.